je te vois. Que ça te plaise ou non, que tu le veuilles ou pas, je te vois. Et en moi résonne le fracas de mon grand désarroi. Car je sais, oui je sais, que caché dans tes mains, tes yeux me sourient. S'il te plaît, s'il te plaît, je ne demande rien, je veux juste être en paix. Tout recommence, je recule puis j'avance, nous ne serons jamais prêts. Et maintenant comment faire? Je suis emprisonné dans cette prison de verre, à courir, à pleurer, à souffrir, enragé, à me dire que mourir ce serait m'évader. Et surtout comment taire? Pourquoi tout disparaît? Pourquoi tout disparaît? Si loin d'être parfait, si loin d'être.